إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous commençons aujourd'hui, inshallah, l'explication d'un nouveau livre et qui s'intitule من كنوز القرآن الكريم لشيخنا عبد المحسن العباد البدر. Donc le titre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, c'est-à-dire parmi les trésors du Saint-Coran. Donc Kunuz, le terme Kunuz, qui est le pluriel de Kanz, Al-Kanz c'est le trésor. Al-Kanz c'est le trésor en langue arabe et son pluriel c'est Kunuz. Min Kunuz al-Qur'an al-Karim. En fait, c'est un livre qui vient juste de sortir et qu'a écrit le Shir et qu'il distribue en fait gratuitement. Et donc c'est un livre où il a expliqué en fait des versets pris, des versets choisis du Coran. En fait, il l'a écrit parce que tout simplement, lorsqu'il lisait lui le Coran, à chaque fois qu'il lisait certains versets du Coran, il lui apparaissait, comme il l'a dit dans la Muqaddima, dans la présentation, il lui a apparu en fait certains trésors qui se trouvent dans ce Coran. Et à partir de là, il a voulu en fait les mettre en apparence. Et donc le Shir nous dit en fait qu'avant le Hizb al-Mufassal, il a traité de toutes les sourates, c'est-à-dire que dans chaque sourate il a pris des versets, donc on va trouver des versets de chaque sourate. Et après Ba'd Hizb al-Mufassal, qui commence avec la première sourate Al-Qaf, il a pris en fait 15 versets. Donc à partir de là, Inch'Allah, aujourd'hui on va commencer le premier verset. Et bien sûr, il a commencé le Shir par l'explication de sourate Al-Fatiha, et après sourate Al-Fatiha, donc il va continuer Al-Baqara, il va prendre certains versets le surat al-Baqara. Al-Baqara, à titre d'exemple, le surat al-Baqara, la vache, il a pris exactement 22 versets. Donc il a choisi 22 versets parmi les versets de surat al-Baqara. Et donc on va commencer, inshallah, aujourd'hui avec surat al-Fatiha. Donc on va expliquer et on va commencer l'explication de surat al-Fatiha. Fayaqul al-Shir awalan wa qabla kulli shay, il nous rappelle que cette sourate, surat al-Fatiha, qu'on traduit donc par l'ouverture, est l'une des plus grandes sourates. Elle est même la plus grande. A'zam surah. A'zam surati fil Qur'an. Les hadith Abi Sa'id ibn Mu'alla. Akhrajou al-Bukhari. C'est-à-dire qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé Abi Sa'id et lui avait dit en fait que la plus grande sourate al-Fatiha. A'zam surat fil Qur'an. Et le chien en fait, il va nous dire pourquoi c'est l'une ou c'est la plus grande des sourates, tout simplement parce que la sourate à l'ouverture, et également parce qu'elle contient en fait l'anwar al-tawhid al-thalatha, c'est-à-dire les trois catégories du tawhid. Cette sourate, sourate al-Fatiha, contient les trois catégories du tawhid. Même on va voir en fait que le shir, lorsqu'il nous explique, il va en mettre en évidence que dans la première sourate, ou dans le premier verset, parfois, dans le premier verset, في الآية الأولى من سورة الفاتحة نجد أنواع التوحيد الثلاثة. C'est-à-dire qu'on va trouver les trois catégories du tawhid simplement dans le premier verset. C'est-à-dire الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Dans ce premier verset, on va trouver les trois catégories du du tawhid. Et en fait, Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayh, lui, il nous explique et il nous dit qu'en fait que le Coran, il a en fait englobé et restitué jami' al-ma'ani, c'est-à-dire toutes les significations des livres précédents, des livres qui ont précédé le Coran. Et qu'ensuite, il nous dit surat al-Fatiha, elle a englobé et a renfermé toutes les significations du Coran. Et ensuite, il nous dit le verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Il nous dit que ce verset-là englobe en fait et renferme la signification de surat al-Fatiha. Donc le shir, il est parti des livres d'avant jusqu'à ce verset-là, min surat al-Fatiha. Dans un premier temps, avant de mettre en évidence, et pour mettre en évidence que cette surat et le premier verset de cette surat contient les trois catégories du tawhid, il faut faire un rappel qui est plus que nécessaire pour savoir quelles sont en fait ces trois catégories du tawhid. Quelles sont ces trois catégories du tawhid? Donc tout le monde le sait, c'est que la première catégorie, tawhid al-rububiyya. La première catégorie, tawhid al-rububiyya. Et c'est ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans la souveraineté. L'unicité d'Allah azzawajal dans la souveraineté. Ça, c'est la première catégorie du tawhid. Tawhid al-rububiyya. Et on va expliquer pour chacun de ces catégories quelles sont leurs significations. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire l'unicité d'Allah Azzawajal dans l'adoration. L'unicité d'Allah Azzawajal dans l'adoration. Tawhid al-Uluhiyya. Et comme on sait, c'est que ce terme est aussi traduit par Tawhid al-Ibada. C'est pour ça qu'on traduit par l'unicité d'Allah dans l'adoration. Tawhid al-Ibada. Donc là on dit Tawhid al-Ibada ou Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Ilahiyya, ce sont des termes en fait qui ont la même signification et qui sont en fait des synonymes et des termes techniques qui sont employés pour bien insister, pour mettre en évidence que ce Tawhid là, c'est le Tawhid de l'adoration et c'est le Tawhid principal, le Tawhid avec lequel les envoyés ont été envoyés et les livres ont été descendus. Tayyib. Et ensuite la troisième catégorie, Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Ça, c'est la troisième catégorie. Et donc, ces trois catégories, et donc on traduit la dernière catégorie par l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. L'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Et en fait, le shaykh va nous rappeler les significations de ces catégories et ensuite mettre en évidence comment elles sont comprises dans le premier verset de Surat al-Fatiha et qu'elles sont comprises aussi dans la suite du verset ou des versets. Taïb le premier. Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya. Ma wa Tawhid al-Rububiyya. Yaqul al-Shi'a anna Tawhid Allah Ta'ala, Tawhid Allah Ta'ala bi-af'alihi. Bi-af'alihi. Enan. Donc en fait, c'est reconnaître l'unicité d'Allah Azzawajal dans ses actes, de façon générale. Tous les actes d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire attester qu'Allah Azzawajal est le seul et l'unique dans ces actes-là, qu'il est le seul à faire ces actes-là. Il nous a donné des exemples, cher, et bien sûr, cela englobe tous les autres actes. Il nous a donné l'exemple de l'Khalq. L'Khalq, qui est en fait la création. Donc nous croyons de façon ferme qu'il n'y a pas d'autre créateur sinon Allah subhanahu wa ta'ala. La khaliqa illallah. La khaliqa illallah. Hala wa tawhid al-rububiyya. Ça, c'est l'unicité d'Allah azawajal dans sa souveraineté. Aussi al-rasq. Et on dit bien al-rasq et non al-risq. Et la différence qu'il y a entre al-risq ou al-rasq, un al-rasq ou al-sifa. Ar-Rasq wa Sifa, et ça fait partie donc des attributs d'Allah Azzawajal. Ar-Rasq bil Fatha, amma ar-Rizq fa wal Marzuq, c'est-à-dire ce qui est la pourvoyance, c'est-à-dire la chose qui est donnée à l'être humain, la chose qui est donnée à l'être humain. Donc c'est une erreur de dire que parmi les actes d'Allah Azzawajal, ar-Rizq, là on dit ar-Rasq, ar-Rasq bil Fatha. Donc il nous a donné l'exemple aussi d'ar-Rasq, et là, donc le fait de pourvoyer. Donc le seul pourvoyeur, la raziqa illallah azzawajal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pourvoyeur sinon Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça rentre aussi fi ma'na tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah azzawajal dans sa souveraineté. Kadhalika al-ihya. Al-ihya, qui est le fait de donner la vie. Personne ne peut donner la vie sinon Allah azzawajal. Personne ne peut donner la vie sinon Allah. Ça aussi, c'est fir rububiyya, dans la souveraineté d'Allah azawajal, la souveraineté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, al-imata, al-imatatu. Al-imatatu, c'est le fait de rendre ou de donner la mort. Donc, comme Allah azawajal donne la vie à l'être humain, il lui donne aussi la mort. Fal-imata, il donne la vie à l'être humain, la mort à l'être humain, où il enlève la vie de l'être humain comme il le fait aussi aux autres êtres. Et ça, ça rentre aussi fi ma'na ar-rububiyya, ça rentre aussi dans la signification de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous ses autres actes et tous ses autres actes. كذلك التدبير, التدبير, c'est-à-dire la gérance de, ce, de cet univers, ça aussi ça rentre fil à ar-rububiyya et les autres aussi, tous les autres af'al. Enfin, c'est pour ça qu'on dit tawhid Allah et c'est pour ça que le shi'a dit tawhid Allah ta'ala wa tawhid bi af'alihi ou tawhid Allah ta'ala bi af'alihi, c'est-à-dire de par ses actions. Et donc ces actions, c'est tout ce qui est général, tout ce qui rentre dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous on atteste qu'il est le seul à faire cela, qu'il est le seul à pourvoir les êtres humains et les autres êtres, qu'il est le seul à donner la vie, à donner la mort, qu'il est le seul à créer, qu'il est le seul à gérer cet univers, etc. Donc ça c'est ma'na tawhid ar-rububiyya. Et ce tawhid, comme vous le savez tous, Mushrikul Arab, c'est-à-dire les polythéistes parmi les Arabes, ils attestaient cette catégorie de tawhid. Ils attestaient cette catégorie de tawhid. Ils reconnaissaient qu'Allah Azza wa Jal, il était le seul pourvoyeur. Ils reconnaissaient qu'Allah Azza wa Jal, il était le créateur. Et malgré ça, ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus jusqu'à qu'ils attestent quoi ? Tawhid, qui est la deuxième catégorie que l'on voit maintenant et qui est le tawhid al-uluhiyya. بالتوحيد الألوهية الإنسان يدخل في الإسلام بالتقرير أو بإقرار توحيد الألوهية والعمل به يدخل في الإسلام. C'est-à-dire que la personne rentre réellement dans l'islam lorsqu'elle atteste et qu'elle met en pratique le توحيد, توحيد الألوهية, qui est le fait d'attester qu'Allah Azza wa Jal est l'unique dans l'adoration, qu'il est le seul à mériter l'adoration et que personne ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la ma'na lorsqu'on dit bien sûr la khaliqa illallah, la muhi illallah, la mumit illallah, etc. Ça rentre dans tawhid al-rububiyya. Et lorsqu'on dit la ma'bouda haqqan illallah, donc ça c'est tawhid al-uluhiyya. La ma'boud, la ma'boud. Et comme on sait que le lafdul jalala, le nom Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ma'boud, veut dire en fait ma'boud au niveau de la langue arabe. C'est pour ça que lorsque l'on traduit la ilaha illallah, on dit la ma'bouda bihaqqin illallah. Bihaqqin illallah, ou la ma'bouda haqqan illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre être méritant l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'autre être méritant l'adoration si ce n'est Allah azawajal. Hada wa kalimat al-tawhid. Ça c'est la shahada, la première partie de la shahada. Et c'est par cette shahada que la personne va rentrer dans l'islam après avoir bien sûr attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le shir il a traité le tawhid al-uluhiyya, yaqul, mada yaqul le shir? Yaqul tawhid al-uluhiyya tawhidu subhanahu wa ta'ala bi af'al al-ibad. Yaqul bi af'al al-ibad wa fi'lan bi af'al al-ibad. C'est-à-dire il nous dit en fait que ce tawhid est concrétisé par qui en fait? Est concrétisé par les adorateurs, par en fait les serviteurs. C'est pour ça qu'il dit bi af'al al-ibad. On voit en fait que fi tawhid ar-rububiyya wa af'alullah, c'est af'alullah, c'est-à-dire ce sont les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre fi tawhid al-uluhiyya, ce sont les actions de qui? Des serviteurs. Pourquoi? Parce que qui c'est qui fait en fait les actes d'adoration pour Allah? C'est le serviteur. Donc c'est pour ça que l'on dit et que le shir nous dit tawhidu subhanahu wa ta'ala bi af'al al-ibad. C'est-à-dire que c'est la personne qui va en fait concrétiser cette adoration, qui va concrétiser en fait cette unicité. Et il va nous donner des exemples. Donc en fait ça c'est bi af'al al-ibad, c'est-à-dire par les actes des adorateurs, par les actes des serviteurs. Il va nous donner des exemples, cher. Il nous donne l'exemple de ad-du'a. Il yaqul kad-du'a wal-khawf wal-raja wat-tawakkul wal-isti'ana والاستغاثة والذبح وغير ذلك من أفعال العباد. Donc on voit en fait que toutes ces actions, ce sont en fait les actions que font les êtres humains. L'invocation qui est en fait qui est une des grandes adorations. بل جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة رواه الإمام ابن الترمذي. L'isnad ضعيف, c'est-à-dire c'est une isnad, chaîne de transmission qui n'est pas authentique, mais elle ma'na, c'est-à-dire la signification de ce hadith est authentique. C'est-à-dire en fait qu'il a du'a mukh al-ibada, qui est en fait le cerveau, qui est en fait le centre de l'ibada. والخوف والرجاء والتوكل c'est-à-dire la peur والرجاء l'espoir التوكل qui est en fait le fait de mettre sa pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'ana, on va revenir sur l'isti'ana parce que c'est un des versets où c'est l'une des grandes parties du cinquième verset du surat al-Fatiha. Al-isti'ana, et qui est donc le fait de demander l'aide à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istighatha, le fait de demander la pluie. Talab al-ghayth, le fait de demander la pluie. Wadh-dhabh, le fait d'égorger. On égorge pour qui? Lorsqu'on égorge, on égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Donc tous ces actes-là sont les actes de qui? Des serviteurs. Et donc c'est le serviteur, de par ses actes, lorsqu'il concrétise le tawhid, tawhid al-uluhiyya, al-ilahiyya, al-ibada, alors de par là est concrétisé cette catégorie de l'unicité. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Et c'est celle qu'on va retrouver aussi dans la première dans le premier verset de Surat al-Fatiha. Ensuite, la deuxième ou la troisième et la dernière catégorie, et bien sûr, le Cheikh nous insiste, et je crois que c'est une chose qui est claire, « Fala yushriku ma'allahi ahadan fi ibadati » Ça, c'est « tahqiq al-ubudiyati lillah » C'est-à-dire, à concrétiser l'adoration pour Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ne pas associer Allah Azza wa Jal dans son adoration. Ne pas associer à Allah Azza wa Jal quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit un prophète ou envoyé, ou que ce soit un malek, que ce soit en fait un ange qui soit proche d'Allah Azza wa Jal, il nous est interdit d'associer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal quelqu'un, d'associer avec Allah Azza wa Jal quelqu'un. Il est strictement interdit, et ça va être bien entendu en contradiction totale avec la religion de façon générale, et donc le cœur de cette religion qui est Tawhid al-Uluhiyya, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Troisième catégorie, comme on va retrouver également dans Surat al-Fatiha, wa tawhid al-asma'i wa sifat. Tawhid al-asma'i wa sifat. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Yaqul al-Shaykh, tawhid al-asma'i wa sifat, ithbatu ma athbata Allah li nafsihi aw athbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. من الأسماء والصفات من غير تحريف أو تأويل أو تعطيل من غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل كما قال الله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. Le Cheikh, il nous donne en fait la définition et il nous montre de façon exemplaire quel est réellement ce tawhid, haqiqatu hadha tawhid, quelle est en fait la réalité de ce tawhid, tawhid al-asma wa sifat. C'est dans un premier temps attesté. C'est attesté ce qu'Allah a attesté pour lui-même. Allah Azza wa Jalla, il l'a attesté dans son Coran, que l'on va donc voir et que l'on va étudier à travers les différents versets choisis par le Shir. On va voir en fait qu'Allah Azza wa Jalla, il a attesté pour lui-même des noms et il a attesté pour lui-même des attributs. Le fait qu'il les a attestés, qu'est-ce que ça incombe envers nous? Ça incombe que l'on doit les attester également, comme lui il les a attestés pour lui-même. L'inafsi, ma athbatahu Allah ou l'inafsi, min al-asma wa sifat. Ça c'est la première chose. Et ensuite on va voir comment elle ithbat. Comment en fait est cette attestation. Ou athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire également ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté pour son Seigneur. De son Seigneur. C'est-à-dire que le prophète dans sa sunna, il a attesté des noms, et il a attesté des attributs à Allah Azza wa Jal. Ces noms et ces attributs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a attestés, nous devons les attester. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a dit ces choses qu'avec la vérité. Il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui, yuballir anillah. Il est celui qui retransmet ce qu'Allah Azza wa Jal lui a dit de retransmettre à la communauté musulmane et à toute l'humanité. Donc nous nous devons également attester ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc tout nom et tout attribut qui vient dans la sunna, et lorsqu'on dit la sunna, bien sûr la sunna authentique, celle qui est authentifiée, et c'est par elle en fait que l'on va attester les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla qui ne se trouvent pas dans le Coran et qui sont également dans la sunna, qu'il soit dans le Coran et dans la Sunna, ou qu'il soit simplement dans la Sunna et qu'il ne soit pas dans le Coran. À la kulli hal, tant que la Sunna est authentique, tant que le hadith est authentique, alors à ce moment-là, on doit le prendre, c'est une obligation. Taïb yaqul al-shaykh, et là c'est très important, et ça nous permet de comprendre en fait minhaj al-sunnati wal-jama'a fi fahm an-nusus al-mutaalliqa bil asma'i was-sifat. Il va nous en fait nous donner plusieurs termes le shaykh, et à partir de ces termes-là, après les comprendre, on va comprendre quel est réellement le minhaj, quelle est vraiment la méthodologie qu'ont utilisé les gens de la sunna et du consensus pour comprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul al-shaykh min ghayri tahrif. C'est-à-dire, nuthbit min ghayri tahrif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons tout simplement attester ce qu'Allah Azzawajal a attesté à lui-même et ce que le prophète a attesté de son Seigneur. Comment? Min ghayri tahrif. C'est-à-dire sans altération. Wa tahrif au niveau de la langue, c'est l'altération ou la modification du texte. Et cette modification-là, elle peut être en fait littérale ou elle peut être en fait au niveau de la signification. Cette modification ou cette altération du texte va être au niveau littéral ou va être en fait au niveau de la signification. Donc on voit en fait qu'il y a deux catégories fi al-tahrif. Al-tahrif al-lafzi ou al-tahrif al-ma'nawi. Donc les personnes, eux, qui ont une maladie dans leur cœur, ont altéré al-nusus, c'est-à-dire qu'ils ont altéré, ils ont modifié en fait les textes, qu'ils l'ont fait de façon littérale ou qu'ils l'ont fait de manière au niveau de la signification. Par exemple, au niveau de la signification, lorsqu'ils ont interprété en fait les deux mains d'Allah Azzawajal et qu'ils ont dit que les deux mains voulaient dire en fait la force d'Allah Azzawajal ou le bienfait d'Allah. Ça, c'est une modification. Une modification du texte, une altération du texte au niveau de la signification. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal nous informe fi kitabihi, dans son livre, dans son Coran, qu'il a deux mains, subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons attester, comme il l'a attesté pour lui-même, qu'il a deux mains. Et comment pouvons-nous en fait maintenant altérer ou modifier le texte au niveau de la signification et dire en fait que les deux mains veulent dire quoi? Veulent dire en fait la force. Ils disent la force al-quwa, ou certains disent en fait un ni'ma, c'est-à-dire le bienfait. Comment on peut en fait altérer cela? De quelle science? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a récité ce verset, lorsqu'il a appris ce verset à ses compagnons, est-ce qu'il leur a indiqué que les deux mains d'Allah azzawajal voulaient dire la force ou voulaient dire le bienfait? Où est la preuve de cela? Allah azzawajal, il nous dit qu'il a deux mains. Comment nous pouvons maintenant interpréter qu'en fait il n'a pas de main, qu'il a voulu dire autre chose? Ça, comme on l'a déjà vu, c'est parler sur Allah azzawajal sans science. C'est parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Pourquoi? Parce que c'est parler sans dalil, c'est parler sans preuve, c'est simplement en fait faire marcher son cerveau et faire des suggestions en fait intellectuelles et dire en fait il n'est pas possible qu'Allah azzawajal il ait deux mains. Bien au contraire, Allah azzawajal il a deux mains. Et ces deux mains-là font partie min kamal illa azzawajal, font partie de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir. Donc, ça c'est le tahrif. Au niveau de quoi? Au niveau de la signification. Et c'est contraire à la méthodologie des gens de la sunna et du consensus qu'ils ont attesté les noms d'Allah azzawajal bidoun tahrif, comme il dit le shaykh, min ghayri tahrif, sans altérer ce qu'Allah azzawajal nous a informé de lui-même. Parmi aussi les tahrif qu'ils disent les gens de l'innovation littérale, yaqulun wa kallama Allah Musa taklima. C'est-à-dire que tout simplement, ils ont fait passer dans ce verset wa kallama Allah Musa taklima, qui est en fait à la base wa kallama Allah Musa taklima. Ils ont en fait Allah azzawajal, ils l'ont placé en fait ici comme complément, et alors qu'il est dans le verset sujet wa kallama Allah, c'est Allah azzawajal qui a parlé à Moussa. Eux en fait ils transforment au niveau littéral le verset et ils disent en fait wa kallama Allah Moussa, et donc qui devient que c'est Moussa qui a parlé à Allah azzawajal et non Allah qui a parlé à Moussa. Et pourquoi ils font ça? Là aussi bit tahrif, pour altérer et pour ne pas attester en fait quoi? Un des attributs d'Allah Azzawajal, qui est le kalam, qui est la parole. Allah Azzawajal a une parole et il parle à ses adorateurs, parmi lesquels il a choisi, comme Moussa et autres. Et donc Allah Azzawajal a bel et bien parlé. Bin nas al-Qur'an, wa kallama Allah Moussa taklima. Fahum harrafu, wa qalu, wa kallama Allah Moussa taklima. Fa harrafu an-nusus, c'est-à-dire qu'ils ont altéré, qu'ils ont modifié le texte au niveau littéral. Pourquoi ? Pour ne pas attester un des sifats d'Allah Azzawajal, pour ne pas attester un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi c'est encore des exemples par rapport au tahrif, par rapport à l'altération des gens de l'innovation. Au ta'wil, le ta'wil qui est aussi l'interprétation, c'est-à-dire interpréter des versets ou interpréter des sifats, c'est-à-dire interpréter les attributs d'Allah Azzawajal qui ont une interprétation qui sont fausses, comme on l'a vu. Au ta'til, ça aussi c'est contraire au minhaj al-sunnati wal-jama'a. At-ta'til, qu'est-ce que veut dire ce terme at-ta'til? At-ta'til bitta, ça veut tout simplement dire qu'il nie, c'est-à-dire la négation. At-ta'til, on dit aussi an-nafi, c'est pratiquement pareil, at-ta'til ou an-nafi, c'est-à-dire la négation des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire certaines sectes et des gens de l'innovation ont complètement dénié les noms d'Allah Azza wa Jalla, les attributs. Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jalla en fait n'a pas de nom et n'a pas d'attribut. N'a pas de nom et n'a pas de tribut. Ça, c'est ce qu'on appelle tartil, c'est-à-dire dénier, renier et nier les noms d'Allah Azzawajal et ses attributs. Et ça aussi, c'est faux, c'est contraire à la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Et c'est contraire en fait au Coran. Comment nous, on peut voir que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses versets, il atteste pour lui-même des noms, et nous, on vient, on dit que ces noms-là, ils ne sont pas valable pour Allah Azzawajal et qu'on ne peut les attester, donc on les nie. Donc ça aussi, at-ta'til, ça fait partie des choses qui sont contraires à la croyance des gens de la Sunna et du consensus, qui sont contraires à la croyance du Coran et de la Sunna. Ensuite, le shia yaqul wa min ghayri takyifin aw tashbihin aw tamthil. Ça aussi, c'est encore trois termes qui sont importants au niveau de l'asma, au fi tawhid al-asma wa sifat. Min ghayri takyifin aw tashbihin ou tamthil, qui sont des termes aussi employés et qui sont là pour mettre en évidence que la croyance des gens de la Sunna et du consensus n'est pas en fait l'anthropomorphisme comme peuvent le dire certains innovateurs. Bien au contraire, il va venir le shir rahimallahu ta'ala avec un verset qui est en fait l'umda, qui est un verset principal fi hadha al-bab, qui est un verset par lequel en fait vont argumenter les gens de la Sunna et du consensus pour dire que nous croyons au nom et aux attributs d'Allah Azzawajal, mais loin de tout ça, nous ne faisons aucune comparaison entre ces créatures et entre le Créateur, entre les créatures, entre le Créateur, que ce soit par rapport à Zat, par rapport à l'entité d'Allah Azzawajal, par rapport à l'Asma, par rapport au nom d'Allah Azzawajal, par rapport aux Sifat, par rapport aux attributs d'Allah Azzawajal, par rapport à l'af'al, par rapport en fait aux actes, ces actes, ces sifat, ces asma, ou à dhatillah azzawajal, tout cela en fait c'est propre à Allah azzawajal. Il n'y a aucune comparaison à faire entre lui et ses créatures. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Rien à Allah azzawajal ne lui est semblable. Donc nous, lorsqu'on dit min ghayri takyif, et takyif en fait, c'est intertechnique aussi, et c'est en fait l'interprétation du comment des attributs. C'est-à-dire décrire un des attributs d'Allah Azzawajal. C'est l'interprétation du comment des attributs. C'est-à-dire lorsqu'on dit qu'Allah Azzawajal il a des mains, c'est en fait dire comment elles sont ses mains. C'est dire comment elles sont ses mains. C'est-à-dire donner une explication, lui donner une interprétation du comment des attributs. Ça en fait, c'est takif. Ça c'est takif. Ou l'établissement d'Allah Azzawajal. Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Allah Azzawajal s'est établi sur son trône. C'est rentrer aussi et dire comment Allah Azzawajal s'est établi sur son trône. Ça, c'est ce qu'on appelle être taqif. C'est donc interpréter le comment les attributs. Ça, il est strictement interdit de rentrer dedans. Min ghayri taqif. C'est pour ça que le shir, min ghayri taqif. Sans que l'on rentre dans un comment, comprendre, même essayer de comprendre l'interprétation du comment des attributs. On ne peut pas, c'est impossible. Notre cerveau est bien trop petit. On ne peut déjà comprendre comment en fait ce cône, comment cet univers il a été mis en place, connaître les secrets de cet univers. Alors comment veut-on connaître le Créateur? Comment peut-on connaître le Créateur, comment lui il est, subhanahu wa ta'ala? Comment comprendre ses attributs, comprendre le comment de ses attributs? Ça c'est une chose qui est strictement impossible. C'est pour ça que les gens de la Sunna du consensus ne rentrent pas dans le takif, dans le comment des attributs. Donc nous nous thbit, c'est-à-dire nous attestons les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous nions l'interprétation du comment des attributs. L'interprétation du comment des attributs. Wa yaqul ash-shaykh aw at-tashbih. At-tashbih c'est aussi un terme qui est très important. Et tashbih c'est en fait la comparaison d'un nom d'Allah Azzawajal avec celui de ses créatures. Donc c'est faire la comparaison, comparer at-tashbih. C'est donc comparer un attribut divin avec celui d'un humain. C'est comparer at-tashbih, c'est comparer le nom ou un attribut divin avec celui d'un humain. C'est par exemple lorsqu'on dit qu'Allah Azzawajal est généreux, Al-Karim, c'est comparer cette générosité à la générosité de l'être humain. Ça, c'est une chose qui est interdite également. C'est une chose que les gens de la Sunna et du consensus se sont écartés, parce que c'est impossible que l'on compare l'entité d'Allah avec l'entité d'un être humain. Alors comment peut-on comparer le nom d'Allah ou l'attribut d'Allah avec le nom ou l'attribut d'un être humain? C'est quelque chose qui est strictement impossible à faire, qui est strictement impossible et qui est interdit. Donc à partir de là, les gens de la Sunna min relitatif ou tashbih, ils s'écartent de toute comparaison faite entre l'être humain et entre Allah Azzawajal, car il n'y a aucune comparaison. Bin nas al-Qur'an laysa kamithli shay. Laysa kamithli shay. Personne ne lui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. At-tashbih. Aw tamthil. Tamthil, c'est le fait de donner un semblable. Le fait de donner en fait un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi strictement interdit de donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Strictement interdit. Et c'est impossible car ce n'est pas réel. On ne peut donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs, dans ses noms, aussi dans son entité, fi dhati, et également fi af'ali, dans ses actes. Et la différence qu'il y a entre le tamthil ou le tashbih, bien sûr, il y a une différence qui est précise entre ces deux termes que le cheikh a employé, rahmatullah alayh, c'est-à-dire at-tamthil ou at-tashbih. At-tamthil, en fait, c'est donner un semblant, et ça implique en fait la ressemblance et l'égalité sous tous les aspects. Lorsqu'on dit en fait at-tamthil, c'est donner un semblable, et le fait de donner un semblable à Allah Azza wa Jal, c'est en fait attester l'égalité sous tous les aspects entre cet être et entre Allah Azza wa Jal. Ça c'est un tamthil. Par contre tashbih, c'est tout simplement comparer à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire faire certaines comparaisons sur certains aspects et pas tous les aspects. Donc c'est la différence qu'il y a entre le terme tashbih et le terme tamthil. Donc on voit en fait qu'il y a entre eux, donc on voit que le terme tamthil est encore pire et plus grand que le terme at-tashbih, et plus important que le terme tashbih. At-tashbih, c'est comparer Allah subhanahu wa ta'ala sous certains aspects, alors que at-tamthil, c'est comparer sous tous les aspects. Et donc ensuite, le shir, là il nous a rapporté ce verset du Coran, qui est un verset très important, et qui nous dit que c'est une preuve claire pour le madhhab, pour en fait l'école des gens de la sunna et du consensus. Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Qu'est-ce qu'il contient en fait ce verset dans cette catégorie-là, Tawhid al-Asma wa Sifat? Allah Azza wa Jalla nous dit tout simplement, dans un premier temps, ici, Laysa kamithli shay, c'est-à-dire que rien ne peut ressembler, rien ne ressemble à Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithli shay. Shay. Aïché, c'est-à-dire n'importe quelle chose, rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans son entité, ses noms, ses attributs, ses actes. Wada amrun wadih. Ça c'est une chose qui est claire et nette. Donc Allah azza wa jal, il nie dans un premier temps qu'on le compare à qui que ce soit, qu'on lui donne un semblable taïb, et ensuite il dit, après cela, wa was-sami'ul basir. C'est qu'après cela, après avoir dénié toute ressemblance à lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Wa was-sami'ul basir. C'est-à-dire qu'il va attester deux de ses noms. Qu'il va attester en fait deux de ses noms. Et qui est as-sami' wal-basir. Yani as-sami' al-basir. C'est-à-dire qu'on as-sami' celui qui entend, wal-basir celui qui voit. As-sami' celui qui entend, et al-basir celui qui voit. Donc ces deux noms vont contenir bien entendu deux attributs qui est as-sam' wal basar. As-sam'u wal basar, et qui est en fait lui et aussi qui est la vue, qui est l'audition et la vue. Donc après qu'Allah azza wa jal il dénie toute ressemblance avec ses créatures, il atteste ces deux noms, ce qui nous prouve de façon claire et nette qu'Allah Azzawajal, il a bel et bien des noms, et que ces noms-là n'ont aucune relation et on ne peut faire aucune comparaison avec les noms des êtres humains, avec les noms des êtres humains. L'être humain, wasamir, c'est-à-dire l'être humain, lui, il entend, et l'être humain, il voit aussi. Mais est-ce que l'audition de l'être humain est comme l'audition d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que la vue de l'être humain est comme la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan. Abadan. Est-ce que toi tu peux voir derrière le mur? C'est strictement impossible. Est-ce qu'Allah il peut voir derrière le mur? Bien sûr, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que toi tu peux entendre à plus de 100 mètres? Impossible. Est-ce qu'Allah azzawajal peut attendre à plus de 100 mètres et bien plus? Bien sûr. Donc il n'y a aucune comparaison à faire entre ces deux noms. Et ensuite, avec tous les autres noms, et tous les autres noms divins, et avec les noms, bien sûr, humains. Aucune comparaison à faire. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, وَالْإِثْبَاتُ مَعَ التَّنْزِيهِ وَالْإِثْبَاتُ مَعَ التَّنْزِيهِ. التَّنْزِيهِ, c'est-à-dire le fait d'éloigner d'Allah Azzawajal de toute imperfection. Et lorsqu'on compare, bien sûr, Allah Azzawajal à une de ses créatures, qu'est-ce qu'on va tomber? On va tomber dans le fait de le comparer à une chose qui est imparfaite. L'être humain, il est imparfait. Les sifats, les attributs de l'être humain sont imparfaits. Alors qu'Allah Azzawajal, lui, il est parfait. Al-Kamal fi kulli shay, Al-Kamal fi dhati, fi asma'i, wa fi sifati, wa fi af'ali. La perfection absolue dans ses noms, dans ses attributs, dans son être et dans ses actes. Alors que l'être humain n'est pas comme cela. Lui, il est imparfait. Il est imparfait comme on vient de démontrer simplement par deux de ses caractéristiques qui sont l'audition et la vue. À partir de là, en ayant compris les trois catégories du tawhid, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat, on va voir en fait que dans le premier verset de surat al-fatiha, on va s'apercevoir en fait que ces trois catégories sont présentes. Et c'est ce que le shir en fait maintenant va nous démontrer. يقول dans un premier temps le shir, أما التوحيد الألوهية فيدل عليه قوله الحمد لله الحمد لله لأن إسناد الحمد من العباد إلى ربهم عبادة له وثناء عليه وهو من أفعالهم وهو من أفعالهم. طيب الله عز وجل dans ce début de verset surat al-Fatiha يقول الحمد لله, et donc bien sûr que l'on traduit la louange est Allah, c'est-à-dire toutes les louanges, al-alif wal-lam l'istighraq, c'est-à-dire que toutes les louanges sont à Allah Azza wa Jalla. Toutes les louanges sont à Allah et reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui mérite ces louanges-là. Il est le seul à mériter ces louanges-là. Alhamdulillah. Falhamdu, alhamd qui est la louange, c'est une des adorations. Et ça kadhalik, alhamdu, c'est une des adorations, c'est une invocation que l'on dit bil-lisan. Alhamdu du'a'un, c'est-à-dire c'est une invocation que l'on dit par la langue, bil lisan. Et donc si c'est une invocation, c'est bien sûr une adoration comme on l'a vu. C'est une adoration. Cette adoration-là, yaqul al-shir, li anna isnad al-hamd min al-ibad ila rabbihim ibadatun wa thana'un 'alayh. C'est-à-dire l'annexion de la louange du serviteur à son Seigneur, l'annexion de la louange du serviteur à son Seigneur est une adoration faite à lui et une éloge. Est une adoration faite à lui et une éloge. C'est-à-dire que l'adorateur, le véritable adorateur, c'est celui qui dit Alhamdulillah. Lorsqu'il a une louange à faire, il l'a fait à Allah Azzawajal. Il sait que le bien, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que le bien, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alors, à partir de là, on sait que cette action que vient de faire l'adorateur, c'est une action, min afa'alihim, c'est-à-dire c'est une action qui est faite par l'adorateur. Donc c'est une action, comme on l'a vu, fitouhid al-uluhiyya, sont les actions que font les êtres humains. Et cette action-là, c'est une adoration. Cette adoration-là, elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, sans associé. Alhamdu lillah. Lillah, wallam hunak l'istirqaq. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla est le seul qui mérite l'adoration, qui mérite en fait l'adoration de façon générale, et plus précisément ici Alhamd, qui est la louange, Alhamdulillah. Donc il est le seul à mériter cela. Et donc on voit ici que c'est tout simplement Tawhid al-Uluhiyya. Il nous apparaît de façon claire et nette Tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azzawajal dans l'adoration, de ces deux premiers termes, alhamdulillah. Ensuite, yaqul al-shaykh wa amma tawhid ar-rububiyya fa fi qawli ta'ala rabbil alamin. Après alhamdulillah, rabbil alamin, on est toujours dans le premier verset. Fa innahu subhanahu wa ta'ala rabb kulli shay wa khaliquhu wa malikuhu. كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول الله عز وجل أوأم adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la nuit, la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez pas donc des égaux alors que vous savez tout cela. Donc on voit que le shirk tout simplement nous dit c'est-à-dire qu'il est le souverain, qu'il est le Seigneur. Et le Seigneur, al-alamin, le terme al-alamin, qui veut dire en fait tout ce qui est en dehors d'Allah. Kulima siwallah. C'est comme ça que le traduisent la plupart des al-mufassirin. C'est-à-dire kulima siwallah, tout ce qui est en dehors d'Allah azawajal, ça rentre dans al-alamin. Donc al-rab, c'est Allah azawajal. Wal-alamin, tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Et bien sûr, le terme Ar-Rab ici, Yashmel Ma'ala Ma'ani Ar-Rububiyya. C'est-à-dire que le terme Seigneur et Souverain va en fait comprendre les significations du Ar-Rububiyya, de la souveraineté. Donc on comprend par là qu'Allah Azzawajal Rabb Kulli Shay, donc il est leur créateur. Et qu'il est leur maître, Malikou, qu'il est le maître de tout ce qui est sur la terre et de tout ce qui est entre tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans la terre et tout ce qui est entre les deux. Donc ici on s'aperçoit dans ce deuxième terme Rabbil Alamin, on s'aperçoit ici Tawhid Ar-Rububiyya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tayyib. Ensuite le Cheikh nous avait donné ce verset que je viens de lire, qui est fait Surat Al-Baqara, Surat la vache, et c'est le verset 21 et 22. On s'aperçoit ici qu'Allah Azzawajal nous dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الله عز وجل s'adresse à tous les hommes. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. C'est-à-dire adorez votre Seigneur. Votre Seigneur, le terme ici ربكم, الرب. C'est-à-dire votre Seigneur الذي خلقكم. Celui qui vous a créé. C'est celui qui vous a créé. وربكم. Il est votre Seigneur. Donc c'est celui donc qui vous a créé. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Il a créé ceux qui sont avant vous. Et ensuite, يقول الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait de la terre votre lit, et c'est lui qui a fait du ciel votre toit. C'est lui qui a fait du ciel de votre toit. Et tout ça, en fait, ça rentre في معاني الربوبية. C'est lui, Allah عز وجل, qui a créé tout cela et pour vous. لمنافعكم. C'est-à-dire pour votre intérêt, pour vos propres intérêts. Alors, et aussi il a fait sortir, il a fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Donc, wa hunaka ar-razzaq kadhalik min ma'ani ar-rububiyya. Inam. Wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. C'est-à-dire des choses que vous pour vous nourrir, des choses qui vous serviront de quoi? De pourvoyance. Ensuite, après que Allah subhanahu wa ta'ala il met en évidence tawhid ar-rububiyya, c'est l'unicité d'Allah azza wa jalla. L'unicité d'Allah dans sa souveraineté, il nous dit alors فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, ne cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Et les égaux, bien sûr, al-andad, qui sont en fait, qui est al-jam, al-nid, qui est en fait l'égal. C'est-à-dire le fait de mettre Allah Azzawajal, de faire Allah Azzawajal, de mettre Allah Azzawajal, de placer Allah Azzawajal en égal. Et ça rentre fi tawhid al-uluhiyya. Donc après avoir connu et reconnu le bienfait du tawhid ar-rububiyya, alors c'est à nous maintenant de faire quoi? De ne pas associer Allah Azza wa Jal, de ne pas lui donner des égaux, et ça vient de notre acte à nous. Ça vient de notre acte à nous. Donc min af'alina wa hadha توحيد الألوهية توحيد الألوهية l'adoration d'Allah dans l'adoration. Ensuite يقول الشيخ وأما التوحيد الأسماء والصفات فإن الآية مشتملة على اسمين من أسماء الله وهما لفظ الجلالة في قولي لله والرب في قولي رب العالمين. C'est-à-dire tout simplement dans le premier verset الحمد لله رب العالمين on a Allah ولفظ الجلالة Allah qui fait bien sûr qui est le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des noms d'Allah, ça fait partie des noms d'Allah, donc ça rentre également dans quoi? Ça rentre fi tawhid al-asma'i wa sifat, fi tawhid al-asma'i wa sifat wa rab kadhalik rabbil alamin, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça rentre également fi tawhid al-asma'i wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, donc ce sont des attributs. Et ce sont des noms, tout d'abord des noms que Allah Azzawajal s'est attribué à lui-même. Allah wa Rabb. Donc ce sont des noms que nous devons attribuer. Que nous devons attribuer. Min ghayri tahrif, ou ta'wil, ou ta'til, ou min ghayri takyif, ou tashbih, ou tamfil. Wa hadha tawhid al-asma wa sifat. Ensuite le shir nous donne une précision. Il nous donne une précision. Et il nous dit que dans ce verset, dans ce verset, Rab, il est en fait mudaf mudaf ilayhi. C'est-à-dire, yaqul al-shaykh wa fil aya ja'a dhikru Rab mudafan. C'est-à-dire qu'il est annexé. Il est annexé à quoi? Comme on l'a vu, al-alamin. On a vu que al-alamin, c'était tout ce qui était en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que le terme Rab, le terme souverain, vient aussi de façon générale. Yani mujarradan an al-ibafa. C'est-à-dire qu'il vient sans être annexé à une autre chose, sans être annexé à une autre chose. Et il nous rapporte un verset, le shir, qui est le suivant, pour nous prouver ce qu'il dit. Salamun qawlan min rabbir rahim. C'est-à-dire, salamun qawlan min rabbin rahimin. C'est-à-dire que le terme rab, il est tout simplement sans idafa, sans annexion ici. Il est en fait cité de façon générale. Et c'est le verset qui se trouve sur surat Yasin, le verset 58. Là, le terme Rab, il est en fait cité dans le Coran sans annexion. Sans annexion. Mujarrab, yani libre de toute annexion. Salamun qawlam min rabbir rahim. Naam. C'est-à-dire salam, le salam, la paix, la parole d'un Seigneur très miséricordieux. D'un Seigneur très miséricordieux. Ensuite également, lorsqu'on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, on a vu ça aussi que dans Tawhid al-Asma wa Sifat, on sait que le terme Allah et que le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala contient toutes les autres significations des noms et des attributs. Toutes les autres significations des noms et des attributs, le terme Allah les contient. Le terme Allah les contient. Donc le fait un nuthbit, c'est-à-dire le fait que nous attestons ce terme, ce nom, Allah subhanahu wa ta'ala, nous attestons en fait par là tous les autres noms et tous les attributs d'Allah azzawajal. Et c'est pour ça en fait que l'on voit et que l'on trouve que dans le Coran, à chaque fois le nom, Allah, le nom propre, Allah est cité d'abord et qu'ensuite les autres noms viennent ensuite. C'est-à-dire que c'est impossible que l'on trouve le terme Allah, le nom propre d'Allah, dans un verset à la fin et que l'on trouve avant lui des noms d'Allah. Toujours le nom d'Allah, et ça c'est une règle fondamentale, une règle que l'on trouve toujours dans le Coran. À chaque fois qu'on va trouver le terme Allah, on va le trouver dans un premier lieu, c'est-à-dire au début du verset. Et ensuite, on va trouver quoi? On va trouver les noms qui vont venir à sa suite. Qui vont venir à sa suite. Allah al-Khaliqu, al-Bari, al-Musawwir, etc. Ça c'est des exemples du Coran, et il y en a beaucoup comme ça. Donc on va toujours trouver le nom Allah qui va précéder tous les autres noms. Et ça, en fait, c'est une signification. Et c'est un des trésors du Coran pour nous prouver, en fait, que ce nom, Allah, le nom propre d'Allah, contient tous les autres noms et tous les autres attributs. Toutes les significations des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, de par le fait, bilithbat, l'ilaf al-jalala, c'est-à-dire de ce nom, de ce grand nom, alors tout simplement, on a aussi أثبتنا جميع الأسماء والصفات. C'est-à-dire que nous avons attesté tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite le shir pour nous prouver ce qu'on a déjà dit, il nous dit Hum kullama siwa Allah, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah, comme on a dit. Donc, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala bidhati wa asma'i wa sifati wa al-khaliq wa kulluma siwahu makhluq, c'est-à-dire qu'Allah azawajal, de par son entité, de par ses noms, de par ses attributs, il est le créateur, et tout ce qui est en dehors de lui, ce sont des choses qui sont créées. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des choses qui est créées. Qala Allah azawajal an Musa wa Fir'aun, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin, قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. C'est-à-dire, il dit Allah, ou la signification de ce sens de ce verset, donc c'est lorsque Pharaon a demandé à Moussa, lui a dit qui est Rabbul Alamin, qui est en fait le Seigneur des mondes. فقال رب السماوات والأرض وما بينهما. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, dit Pharaon. Le Seigneur, et donc Moussa lui répond, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est et de ce qui existe entre eux. Le Seigneur des cieux et de la terre, yani de tout ce qui est dans les cieux, de tout ce qui est dans la terre et tout ce qui est entre les deux. Donc tout ce qui est makhlouq, tout ce qui est créé. Dit Moïse, c'est-à-dire Moïse qui a dit, si seulement vous pouviez être convaincu. Si seulement vous pouviez être convaincu. Ça c'est fait surat Shu'ara, c'est-à-dire les poètes. Et c'est le verset 23 et 24. Le verset 23 et 24. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on continuera donc l'explication. Il reste encore beaucoup et beaucoup de fawaïd et beaucoup de trésors à travers l'explication du shir. Fait surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Donc on termine, Inch'Allah. Donc jeudi prochain, bi'idhnillah ta'ala, on termine cette explication. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.